Et je pensais aussi ce que pensait Ulysse, qu'il n'était rien plus doux que voir encore un jour fumer sa cheminée. Et après long séjour, se retrouver au sein de sa terre nourrice. Me réjouissais d'être échappé au vice, aux Circé d'Italie, aux sirènes d'amour, et d'avoir rapporté en France à mon retour l'honneur que l'on s'acquiert d'un fidèle service. La mer après l'ennui de si longue saison, ni le souci mordant, je trouve en ma maison qui me ronge le cœur, sans espoir d'allégeance. Adieu donc Dora, je suis encore romain, si l'arc que les neuf sœurs te mirent dans la main. Je me prête ici pour faire un grand jour. Et je pensais aussi ce que pensait Ulysse, qu'il n'était rien plus doux que voir encore un jour.